Your future producers. J'ai pris le mic en temps de crise, J'ai pris le mic en temps de crise, parce qu'il le fallait bien. C'est Buzzkris sur la piste, oh le rap me va si bien. Ok, je vais bientôt toquer, les portes du rap sont bloquées. Ok, et les putes sont cloquées. Ok, ça fait de la maille avec le shit et la coca. C'est la soirée poteau, fait tourner le sky et le coca. Ça rigole et ça picole, en bas du bloc. Et frérot, prépare une potion en rhum agricole. Yeah, ce soir ce c'est le dawa. Bloc party en bas du bat, c'est bah ouais. Ouais gros, tu veux pécho, mets la dose. Ça fonde de la tache P en dièse, 31 dièse. Chin chin, c'est la mienne. À la tienne, fais péter le son à l'ancienne. C'est trop de la balle, l'ami, en bas des tours avec le soleil. Un pack, pas besoin d'oseille. Yeah, t'es tout naze, t'es des boîtes. Mais t'es refait, t'as pas raqué pour une soirée en boîte. Pour une soirée, banquette, t'inquiète avec les potes. Psartec, côté car ça déboîte. C'est Buzzkris, j't'avertis, t'apprécies ma musique. Qui est remarqué, je suis remarquable dans ce que je fais, dans ce que je fous, dans ce que je dis. C'est la merde dans ma vie, ça tu l'as compris. Alors je m'éclate dans ma zik, ok. Yeah, j'ai pris le mic en temps de cri-cri-cri. Dans nos halls, ça fait longtemps que c'est la cri-cri-cri. On s'en tape les boules de la cri-cri-cri. Pas de plan, pas de maille, on improvise. Yeah, j'ai pris le mic en temps de cri-cri-cri. Dans nos halls, ça fait longtemps que c'est la cri-cri-cri. On s'en tape les boules de la cri-cri-cri. Pas de plan, pas de maille, on improvise. Ok, 30 degrés à l'ombre. Prépare les gaises, mère, sa mère, ça gère le barbecue à Cadiz de Carrefour. Retour sur l'après-midi, en terrasse, petit kawa. Rapide au Malboro, pas besoin de kawa. Bah ouais, vu que le soleil est au zénith, on t'invite. Viens dans une soirée cosmopolite chez nous. L'illicite remplit les caisses de la faillite. Trop de style, on s'habille chez Lafayette. On rêve de Porsche Cayenne, de grosses bécanes, de petites roumaines. Mate le compte, c'est le Grand Canyon, mon pote. Encore un son de malade pour les nôtres. C'est ma tournée, vas-y patron, mets-la sur ma note. Yeah, petite virée sur la côte. Petit short et mojito, j'ai fait fumer la carte. Dans notre audit, ça fait longtemps que c'est la crise. La main est pas besoin, t'inquiète pas pour nous, on s'amuse. Yeah, j'ai pris le mic en temps de cri-cri-cri. Dans nos halls, ça fait longtemps que c'est la cri-cri-cri. On s'en tape les boules de la cri-cri-cri. Pas de plan, pas de maille, on improvise. Yeah, j'ai pris le mic en temps de cri-cri-cri. Dans nos halls, ça fait longtemps que c'est la cri-cri-cri. On s'en tape les boules de la cri-cri-cri. Pas de plan, pas de maille, on improvise. En temps de crise, en temps de crise. Dans nos halls, ça fait longtemps que c'est la crise. Rien à foutre de la crise. On est loin de ça, mec, fais péter la tease. En temps de crise, en temps de crise. Dans nos halls, ça fait longtemps que c'est la crise. Rien à foutre de la crise. On est loin de ça, mec, fais péter la tease. Yeah, j'ai pris le mic en temps de cri-cri-cri. Dans nos halls, ça fait longtemps que c'est la cri-cri-cri. On s'en tape les boules de la cri-cri-cri. Pas de plan, pas de maille, on improvise. Yeah, j'ai pris le mic en temps de cri-cri-cri. Dans nos halls, ça fait longtemps que c'est la cri-cri-cri. On s'en tape les boules de la cri-cri-cri. Pas de plan, pas de maille, on improvise.